Chapitre 8e. Le grand-duc est aimable. Malcolm rejoignit la jeune fille dans la rue. « Voulez-vous venir avec moi jusqu'au palais de mon père ? » dit-elle. « Je crois qu'il n'est pas prudent pour vous de partir seul. » Un demi-cercle de cosaques les entourait maintenant et le peu scrupuleux domestique, impassible, se tenait à la tête de son cheval. « Un des soldats se chargera de votre monture, » continua Irène. « Bulba, vous nous suivrez. » Sa voix était sévère et elle regardait l'homme bien en face. Il ne broncha pas. « Altesse, à vos ordres, » répondit-il simplement. Ils se mirent en marche, escortés à petite distance par les cosaques. Au bout d'un moment, la grande-duchesse reprit. « Que pensez-vous de la Russie maintenant, Master Hay ?» Il la regarda avec surprise. « Vous ne m'aviez pas reconnu tout à l'heure sur la colline, mais moi, j'ai vite compris qui vous étiez. D'abord, il n'y a pas assez d'étrangers dans la région pour que votre présence soit ignorée du grand-duc. En outre, vous étiez à la réception que mon père a donnée l'année dernière. Mais je n'ai pas vu votre Altesse. Et j'étais venu justement... » Il s'arrêta confus. « Vous ne pouvez pas me voir, » répliqua-t-elle. « J'ai passé un an à Cambridge pour perfectionner mon anglais. C'est pourquoi vous le parlez si bien. Mieux que vous le russe, c'est certain. Vous n'auriez pas dû dire au Kudutsei aux gens qui vous entouraient dans la foule. Comme on emploie ce mot qu'en s'adressant au mendiant, il n'était pas du tout flatté. » Malcolm se mit à rire. « Je ne pouvais pas les prendre pour des grands seigneurs. Mais ne me direz-vous pas ce que faisait votre domestique dans ce tumulte ? J'ai cru le voir, et son attitude m'a donné de lui une opinion plutôt... À votre place ? Je ne chercherai pas à me faire d'opinion, » dit-elle précipitamment. « En Russie, nous ne nous cassons pas la tête pour ces choses-là. » Il y eut quelques minutes de silence, puis gravement elle continua. « Le peuple russe m'a toujours fait l'effet d'un fleuve de lave bouillante, roulant avec lenteur, entre les digues trop fragiles que nous lui avons élevées. Je me demande quelquefois si ces digues ne crouleront pas un jour, » répondit tranquillement Malcolm. « Et dans ce cas, eh bien, cela mettra le feu à la Russie. C'est mon avis, hélas. Père pense que la guerre, elle s'arrête à court. La guerre ? » interrogea Malcolm d'un air de doute. Irène lui jeta un regard perçant. « Vous n'y croyez pas ? On l'a annoncé si souvent. Oh, je sais !» répliqua-t-elle avec un peu d'impatience. Mr. Hay se souvint alors du livre qu'il avait dans sa poche. Ne voulant pas trahir la confiance du juif en avouant ce détail, il se contenta de dire « Quelle est cette histoire de livre magique ?» Sans sourire, comme il l'aurait cru, la grande-duchesse répondit évasivement « Le vieux Kensky est un homme bizarre. On le croit sorcier et on lui attribue toutes sortes de pouvoirs qu'il n'a pas. » Il gravissait la colline derrière laquelle était situé le quartier élégant de Kiev, avec ses belles constructions de pierre, ses avenues larges et ses merveilleux bergers. « J'aime beaucoup ce vieux bonhomme, » reprit la grande-duchesse. « Il vient quelquefois au palais apporter des soieries nouvelles. » « Car c'est le grand marchand de la petite Russie, et nous causons. Il me raconte ses peines. » « Pauvre Kensky. La fille ne lui donne pas beaucoup de satisfaction. En avez-vous entendu parler ? Je croyais que c'était une nouvelle convertie. » La jeune fille haussa les épaules. Le palais grand-ducal de style byzantin présentait au fond de l'avenue qui partait de la route un tel enchevêtrement de toits, de fenêtres et de tourelles qu'on aurait pu le croire bâti par 50 architectes différents. Lorsque les deux jeunes gens franchirent le portail, le grand-duc, qui paraissait les attendre, descendit le perron et vint à leur rencontre. C'était un homme de taille moyenne, très quelconque, portant un lorgnon et visiblement absorbé par quelques secrètes préoccupations. « Ma chère enfant, quelle matinée ! Comment vous êtes-vous trouvée dans cette bagarre ?» Le commandant me téléphone à l'instant. Du reste, j'ai demandé sa démission. « Par Saint Inocaste ! Je ne puis admettre que ma fille était mêlée à la populace, ne fût-ce qu'en passant. Et voilà le bon jeune homme qui est venu à votre secours. » Le ton de ses paroles manquait de cordialité. « Je vous remercie, » continua le grand-duc. « Je vous remercie beaucoup. Il n'aurait fait aucun mal à la grande-duchesse, mais vous ne pouvez pas le savoir. Quant au juif, il resta pensif. « Je suis heureux d'avoir pu de quelque façon être utile à votre Altesse, » répondit l'anglais, très correct. « Oui, oui, oui, » interrompit nerveusement son interlocuteur. « Vous allez déjeuner avec moi, n'est-ce pas, Master ?»« Mr. Hay, » acheva la jeune fille. Tout ceci avait été dit en anglais, chose peu surprenante puisque c'était la langue familière à la cour. « Oui, oui, oui, Master Hay, acceptez mon invitation. J'insiste. Je suis sûr que vous avez été très chevaleresque, très bon. Irène, persuadez ce gentleman, je vous prie. » Il tendit brusquement la main au jeune homme qui la prit en s'inclinant. Puis, sans un mot de plus, ni un regard vers sa fille, le grand-duc tourna le dos et rentra dans le palais. « Mon père ne vous paraît pas très hospitalier, » dit la grande-duchesse en souriant, avec de nouveau sa petite lueur de malice dans les yeux. « Eh bien, cette fois, c'est moi qui vous invite de sa part. » Il leva les bras dans un geste de désespoir comique en indiquant ses vêtements râpés et défraîchis. « Votre Altesse est mille fois bonne, mais je ne puis me présenter à la table du grand-duc dans cette tenue. » « Oh, rassurez-vous, vous ne verrez pas le grand-duc. Mon père invite, mais n'accepte jamais pour lui-même. Il prend ses repas dans sa chambre. Ainsi, vous devrez vous contenter de ma présence, » ajouta-t-elle d'un petit air provoquant. Il la fixa sans répondre, et c'est elle qui baissa les yeux. Pendant cette petite scène, Malcolm avait conscience que Bulba, raide derrière lui, ne jouait pas seulement un rôle de spectateur dans l'affaire de l'invitation à déjeuner. Le jeune homme se retourna légèrement et Irène, suivant son regard, fit signe au domestique d'avancer. « Conduisez Mr. Hay à une chambre d'amis, » dit-elle en russe, « et mettez un balai à sa disposition. À vos ordres, Altesse. » Elle rentra dans le palais, suivie d'un pas moins rapide par Malcolm et Bulba. Ce dernier fit monter le jeune ingénieur par un large escalier couvert d'un épais tapis rouge. Ils enfilèrent ensuite un corridor percé de hautes fenêtres, traversèrent un palier et s'arrêtèrent devant une porte que ses dimensions pouvaient faire prendre pour l'entrée d'une salle du trône. Elle donnait en réalité dans un splendide appartement où les meubles et les ornements de métal argenté rivalisaient d'éclat. Le salon était somptueux, la chambre à coucher arrangée avec un goût exquis, et la salle de bain qui y faisait suite avait des murs couverts de marbre. « Quel luxe !» murmura le jeune homme. « L'hospodar n'a pas d'ordre à me donner ?»« Non, Bulba. Mais dites-moi donc. » Et Malcolm avait pris le ton familier que son expérience lui avait appris à adopter vis-à-vis des subalternes en Russie. « Dites-moi donc comment il se fait que votre maîtresse était seule devant le portail d'Israël Kensky, alors que vous étiez en pleine foule à exciter les manifestants. » La question abrupte fut peut-être désagréable à Bulba, mais il n'en laissa rien paraître et répondit froidement. « Kensky est juif. La nuit de la Pentecôte, il prend du sang de petits enfants chrétiens et en asperge son argent pour qu'il fructifie pendant l'année. Sa fille Sophia me l'a dit. On fait croire cela au Moudjik, répliqua Malcolm avec dédain. Mais vous, qui avez une certaine instruction, qui avez voyagé avec son Altesse dans le monde entier, cette supposition lancée à tout hasard tombait juste. Vous savez bien que ce sont des contes à dormir debout. Il a aussi un livre, Ospodar, qui contient le secret de se faire obéir de tous, même de ceux qui vous haïssent. En disant ces mots, l'homme avait un sourire cruel. Qui peut savoir où s'arrête le merveilleux dans le monde? On parle du diable, des anges, mais nous voudrions être certains de leur existence et pour cela il nous faut ce livre, que le juif a remis à votre seigneurie. » Mr. Hay le transperça du regard. « Le juif ne m'a pas remis de livre, Bulba. Je croyais que votre seigneurie... Vous vous êtes trompé, voilà tout, » dit Malcolm sèchement. Le domestique s'inclina et disparut, laissant le jeune anglais dans un état d'esprit qui n'avait rien d'agréable. Il se trouvait en possession d'un livre convoité par des hommes capables d'aller jusqu'au meurtre pour s'en emparer. Rien que l'idée d'avoir son nom mêlé à cette histoire de sorcellerie le rendait furieux. Tout ceci était absurde, ridicule. Mais en Russie, même les choses les plus folles doivent être prises au sérieux. Il alla donner un tour de clé à la porte et tira de sa veste le fameux livre d'Israël Kensky. Le volume était assez gros, relié de cuir jaune et fermé par deux serrures de cuivre. Sur la couverture, une inscription en caractère russe était ainsi conçue. Ce livre renferme le secret de la toute-puissance et les formules capables de déceler les cœurs des hommes et de fondre leurs orgueilleuses résolutions. Dans un coin à gauche étaient tracés quelques mots hébreux, sans doute la signature du relieur. Après avoir retourné l'objet en tous sens, Mr. Hay, cédant à la curiosité, essaya de glisser son ongle dans la tranche marbrée. Peine inutile, les feuillets étaient trop serrés par la solide fermeture. Alors, renonçant à en savoir davantage, il remit de l'ordre dans ses vêtements et descendit déjeuner. Ce fut une heure délicieuse. Outre Malcolm et la grande-duchesse, il y avait à table une dame russe, prodigieusement fanée, qu'il devina être le chaperon officiel d'Irène, et un prêtre au visage morose qui bénit cérémonieusement le repas et semble ensuite ravi en une muette contemplation. Mais eût-il été sans convive, le jeune homme n'aurait d'yeux et d'oreilles que pour la maîtresse de maison. Elle avait échangé son amazone contre un costume bleu foncé, laissant voir la simple blouse de soie blanche largement échancrée par devant. Aucun bijou n'ornait son cou ni ses mains, et Malcolm fut agréablement frappé par cette absence de bague en général et d'une certaine bague en particulier. Il vivait en plein rêve. Il est vrai que depuis le matin, tout n'était qu'invraisemblance, épisode de conte de fées. « Ce soir, pensait-il, je dînerai prosaïquement à l'hôtel, et la grande duchesse va redevenir l'être inaccessible que je ne verrai plus, sauf dans les journaux illustrés. » Cette conviction le rendit terriblement familier. Plus d'altesse, il riait de bon cœur lorsqu'elle plaisantait et devenait à son tour plein de verve et d'entrain. Aussi le déjeuner lui parut-il trop court. La jeune fille se leva et tira sa montre. « Bonté divine, 4 heures déjà, j'ai promis d'aller au tennis. » Il s'inclina devant Irène avec un retour à ses manières cérémonieuses. « Votre Altesse a été vraiment trop bonne. » Elle l'arrêta dans son éloquence par son espiègle petite grimace. « Oh, je vous en prie, Master Hay, laissez-moi oublier pendant quelques heures que je suis une Altesse, et ne gâchez pas ce bon après-midi par vos grands mots. » « Alors, dit-il en riant, je vais vous appeler. » Mais il n'acheva point. Il y eut une minute de gêne entre eux. L'arrivée inopinée du grand-duc les tira d'embarras. Cette apparition était évidemment extraordinaire, à en juger par l'expression stupéfaite d'Irène, expression qui s'accentua encore devant l'amabilité de son père. Traversant le hall, il s'avança, la main tendue vers Malcolm. « J'espère que vous n'allez pas nous fausser compagnie, Master Hay. Je me suis montré un hôte si détestable jusqu'ici. Et puis, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous êtes bien l'ingénieur délégué de l'Ukrainoil Company. Parfait. J'ai justement du pétrole dans mes domaines de l'Oural qui n'a pas encore été exploité. » En parlant, il avait passé son bras sous celui du jeune homme et l'entraînait dans le jardin, lui ôtant toute possibilité de terminer ses adieux à Irène. Celle-ci les vit sortir sans déguiser l'étonnement profond que lui causait l'attitude de son père.